D'où cette observation. Question. Quel interrogatif. De quel côté allez-vous? Quel temps fait-il? Quelle saison préférez-vous? Quel sport pratiquez-vous? Quelles études fait-elle? Quel est un exclamatif, voir le son 11. Mais c'est aussi un interrogatif. Quel interrogatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précède.